Le Hou. Au fond d'un parc, près d'un chemin, un hou avait poussé, superbe et traître. Ses feuilles lisses, qui semblaient découpées au ciseau par un habile ouvrier, tant elles étaient élégantes et nerveuses, avaient au toucher la froideur de l'acier, et, pareillement à l'acier, étaient coupantes et dures. Leur vert se lustrait d'un éclat sombre, auprès duquel tous les autres verts pâlissaient, et ni les sorbiers, ni la cerise, ni les fraises n'avaient la rougeur lumineuse des éclatantes baies qui, comme des coraux, pendaient le long de sa tige. Aussi les arbustes du parc le regardaient-ils d'un œil jaloux, et à la moindre rafale, ébouriffés comme des chats en colère, se penchaient vers lui et tâchaient de le flageller de leurs branches. « Et quoi ? Sera-t-il toujours invulnérable, ce vilain hou, qui semble cuirassé de fer ?» se disaient-ils entre eux. « Et n'arrivera-t-il pas un jour où, plus bas que la poussière, s'inclinera son immense orgueil ?» De toutes parts, le vent, ce messager subtil, recueillait de constantes injures à l'adresse du hou, et dru comme grêle, les lui jetait à la tête. « Vilain hou, méchant hou, hou maudit !» si bien qu'à la longue, ce nom devint semblable à une huée. Soufflait-il une brise ?« Hou, hou » faisait-elle, en accourant du large jusqu'à lui. Et cette rumeur, faible par les belles matinées d'août, où le vent est comme une haleine d'enfant, s'enflait les jours d'orage, jusqu'à paraître aussi retentissante que le tonnerre. Mais l'universel courroux du parc n'eut pas de prise sur le hou. L'insulte glissait comme de l'eau sur ses luisantes feuilles, et solidement enfoncé dans le sol, il avait l'air sous sa robuste armure, que rien n'entamait, d'un cuirassier posté en sentinelle. Proche de lui et abrité par son ombre, un plant de violette tout le printemps s'était émaillé d'une floraison d'améthyste. Aucun écrin n'aurait pu rivaliser avec l'éclat sombre de ce petit parterre qui, bien mieux que les bijoux, s'allumait de clarté tendre et, avantage considérable, parfumait l'air en l'illuminant. C'était le matin surtout, quand l'aurore égouttait ses rosées, ou le soir, au dernier feu du soleil, que s'envolaient par l'air avec des confidences les fines senteurs des violettes. Et elle disait, en effet, le bonheur de vivre en paix dans la modestie et la vertu. Eh, n'aurait-elle pu, en imitant la folie de tant d'autres, qui jamais ne sont satisfaites de leur sort, aspirer à répandre des baumes engourdissants à force d'être puissants, comme leur triomphale sœur les roses? Cela se voit chaque jour, mes enfants, et la créature qui sait jouir tranquillement de ce qu'elle possède, sans rien désirer au-delà, est aussi rare que le bonheur qui n'est pourtant pas autre chose. Je vous réponds bien qu'elles étaient heureuses, les violettes, car elles ne demandaient qu'à rester violettes, et leur bonté s'exhalait d'elles en nuées de délicats parfums. Telles j'ai vu, dans l'ombre des maisons, de sages petites filles, qui plus tard seront de sages jeunes femmes, montrer leur bon cœur, en ne recherchant ni les jeux bruyants, ni les brillantes toilettes, et, comme les violettes, doucement parfumer les habitations par leur respect pour les parents, leur aménité envers les domestiques, la déférence à l'égard des vieilles gens. Le maître du château et ses enfants souvent descendaient les marches du perron pour venir respirer la calme et légère odeur du parterre, qui était si bien celle des cœurs modestes et purs. Homme grave, Monsieur Damien ne manquait pas de tirer des exemples de la comparaison des aimables fleurs avec les hommes. Et il parlait à ses enfants à peu près comme je viens de vous parler, les exhortant à n'être ni hautains ni vaniteux. Or, les enfants s'étonnaient de voir la méchanceté à côté de la bonté, le houx à côté des violettes, et leur regard, qui se posait comme du velours sur celle-ci, s'enflammait tout à coup comme de la braise quand il se posait sur celui-là. « Méchant houx, vilain houx !» disait-il alors, et il l'aurait voulu battre avec ses propres feuilles. « Vous auriez tort d'en vouloir à cet arbuste, » leur dit un jour leur père. « Il a son utilité dans le jardin. Il protège les violettes. Et certainement, si celle-ci pouvait parler, elle ne manquerait pas de se confondre en éloge sur la conduite du houx à leur égard. » Il n'en dit pas plus long ce jour-là, mais un matin, la petite Alice, ayant voulu, malgré la défense du jardinier, se cueillir un bouquet de violettes, expérimenta à ses dépens le danger qu'il y avait à affronter le houx. De ses dards aigus comme d'une griffe de chat, il coupa d'une longue écharde rouge la main de la mignonne désobéissante qui, de colère, ramassa un bâton et s'apprêtait à en frapper le coupable, quand Monsieur Damien, intervenant, lui dit « Le coupable, ce n'est pas lui, c'est toi. Tu as voulu dérober des violettes qu'il t'était défendu de cueillir, et il t'a infligé la juste punition de ta désobéissance. Ah, ne vois-tu pas qu'il est le gendarme donné par la nature à ces humbles violettes pour les protéger contre le pillage des petits maraudeurs comme toi ? C'est lui qui les garde et leur permet d'embaumer le coin du parc où elles poussent. Sans lui, toi et tes frères, nous-mêmes peut-être aussi, nous les eussions cueillis depuis longtemps, et pour un court temps de parfum et de vie qu'elles auraient eu dans un verre, sur le bord de la cheminée, nous eussions perdu le plaisir de les voir croître en touffe et de les sentir de loin parfumer le sentier. » Monsieur Damien aurait pu ajouter que les fines senteurs qui sortaient du parterre étaient les actions de grâce que les chères fleurettes adressaient aux roues. Elles s'élevaient, ces senteurs, pareilles à de l'encens, à travers les branches piquantes qui, croyez-le bien, n'étaient pas fâchées du tout de cet humble hommage. Le houx, cependant, ne laissait rien paraître de ses sentiments. Comme il s'était montré fermé à l'insulte, il se montrait fermé à la reconnaissance. Peut-être affectait-il l'insensibilité par crainte de sembler ridicule, pareil à ces vieux militaires qui ne savent parler sans grossir leur voix et qui ont toujours l'air de vouloir trouer la lune de la pointe de leur moustache. Rebiffé et un peu hargneux, il vivait solitaire, ne souffrant pas que quelqu'un l'approchât, et ricanant à part lui quand un être vivant se frottait à ses bouts aigus. Oh, ce ricanement était visible! Les dahlias qui étaient plus loin l'avaient parfaitement aperçu et s'en indignaient avec les thuyas, ennemis déclarés du houx. Un saule aussi, qui balayait le chemin de sa chevelure, l'avait remarqué, et d'un ton dolent déplorait tant d'endurcissement. « Ah, que ne mutilait-on d'un coup de bêche ses racines ? Il méritait qu'on l'anéantît comme un vulgaire chardon. Et vraiment, le jardinier était bien sot de le tolérer, cet insolent qui ne semblait sur la terre que pour faire le mal. » La neige tomba. Une draperie blanche couvrit le petit parterre, comme une tente sous laquelle dormaient les violettes. Aussi indifférent au dur hiver qu'il l'avait été au chaud printemps, l'arbuste, toujours vert au milieu de la désolation universelle, regardait s'épaissir sous les flocons la molle couche qui abritait ses petites amies. Autour de lui, les arbres sans feuilles dressaient leurs silhouettes pareilles à des solives et de leurs bras dépouillés frappant l'air en signe de deuil s'unissaient dans un concert d'imprécations. Ils étaient furieux d'être si nus et de grelotter dans la bise comme des mendiants, alors que lui, le houx, effrontément, arborait son indestructible verdure. et il disait « Voilà bien l'égoïste !» Tandis que tout souffre, languit, agonise à ses pieds, il échappe à la douleur. Et la mort qui frappe à coups redoublés les êtres sensibles s'arrête indécise devant cette impassibilité, comme si elle aussi craignait de ne pouvoir l'entamer. Mais va, quelque jour ton tour arrivera, ou présomptueux, la foudre saura bien te disperser en éclats. Le hou, pendant ce temps, songeait à sa destinée mélancolique. Tout au fond de lui, au plus profond, s'éveillait une tristesse de n'être point comme les autres et de ne pouvoir mourir pour renaître ensuite. Ah, c'est un fardeau de porter une jeunesse qui ne vieillit pas et des feuilles que rien ne peut empêcher de rester vertes malgré la pluie, la neige et la bise glacée. Il le sentait bien en ce moment, le hou qui faisait l'envie et la colère de tout le jardin, et devenu faible, presque ployant sous le fait de son renom d'insensibilité, il regretta de ne pas s'appeler du nom du saule et de ne pouvoir pleurer comme lui. Sa fonction était de monter la garde au bord des chemins et de paraître tout noir sous l'éclat du ciel. Consciencieusement, il avait pris l'air rébarbatif des gens très mauvais et fait son métier de bourru bienfaisant pour laisser croître et fleurir en paix les petites violettes. Mais à présent, que la neige les gardait mieux qu'il ne les aurait gardées lui-même, ne pouvait-il pas se laisser un peu aller comme les autres à la bonté que la nature avait mise sous sa triple cuirasse et pour un instant cesser d'être le hou qui répand au loin la terreur. La nuit était tombée, couvrant d'un peu plus d'ombre ce pauvre songeur attendri. Tandis que s'allumaient au château les lampes rouges dans le nocturne brouillard, il rêva que des bougies roses s'enflammaient au bout de ses branches garnies de joujoux, de boîtes de dragées, de cornets de bonbons, de dentelles, de bijoux et de fleurs en papier doré, que des petits enfants l'entouraient en frappant leurs mains l'une dans l'autre, épanouis, riant, éperdus, ayant dans l'œil une clarté plus vive que celle des bougies. Et toute cette gaieté l'emplissait petit à petit, formait en lui quelque chose qui grandissait, grandissait et finissait par être un cœur sous la forme d'une énorme rose. Enfant, chaque chose est bien où elle est, et quelle qu'elle soit, étoile au ciel ou hou sur la terre. C'est la morale de ce petit récit, et s'il fallait y ajouter autre chose, ce serait qu'il ne faut point trop juger les hommes sur leur mine. Tel est hérissé comme un hou qui, par nécessité ou timidité, cache en lui des sources de pure tendresse.